بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أقرب. طيب في الدرس الماضي بفضل الله تعالى أخذنا شيئا من فضل التوحيد جمال التوحيد. فماذا ذكرنا في روج الاختصار؟ يعني سيكون الخراسة دي باب كنا في الداني باب تقول تكفير الذنوب والموحد يدخل الجنة. نعم التوحيد il explique tous les péchés. Le mouahid, يعني celui qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans l'oration et qui ne lui associe rien, entrera et que Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit le feu. Le feu est interdit de le toucher. Et là, je voulais ajouter une faïda, qu'en plus c'était au moment où je révisais les Qawaid al-Fiqhiyya pour notre ders, qui m'a apparu. تتعلق بدرسنا هذا والحمد لله pour ceux qui croiraient que le fait de dire la ilaha illallah après de ne rien faire, de se poser là-dessus comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait cela, d'où le fait qu'il ait dit à Mouaz de ne pas le dire aux gens. Mais ce n'est pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont une mauvaise compréhension de ce hadith ou des hadiths qu'on a pris dans le sabir précédent, qu'on avait dit qu'il est shurut bien évidemment. Et là, dans les Qawaid al-Fiqhiyya de l'imam al-Sa'di, il a un tanbih par rapport à ça, justement. C'est tombé, alhamdoulilah, vraiment au bon moment. Donc dans les Abiyat 36, قال وَلَا يَتِمُّ الْحُكْمُ حَتَّى تَجْتَمِعْ كُلُّ شُرُوتِ وَالْمَوَانِعْ تَرْتَفِعْ. Il dit qu'un jugement ne peut être complet, ne peut s'appliquer tant que les conditions ne sont pas réunies et que les empêchements ne sont, yani, soient pas absents. Il faut qu'il y ait toutes les chouroutes et tout ce qui empêche le hukm soit absent pour que le hukm puisse s'établir sur la mas'ala. Même, donc, c'est-à-dire les actes, les choses, elles ont des chouroutes, des conditions pour être acceptées et parfois elles ont des mawani'a, on appelle des empêchements, des choses qui empêchent que cela s'applique et s'accomplisse. Donc il faut que les choses soient présentes, les choses requises soient présentes, que les mawani'a soient absents, pour que l'on puisse appliquer le hukm. Donc de là, il donne un exemple, il dit « وَنُمَثِّلْ لِهَذَا الْأَصْلِ بِمِثَالِ يُسْتَدَلُ بِهِ الْبَيْتُ عَلَى مَا وَرَأَهُ فَنَقُولْ إِنَ التَّوْحِيدْ مُثْمِلٌ لِكُلِ خَيْرٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ دَافِعٌ لِكُلِ شَرٍ فِيهِمَا وَلَكِنْ لَا تَحْصُلْ هَذِهِ الْأُمُورُ إِلَّا بِاجْتِمَاعِ شروطه وانتفاء موانعه. Donc il dit, on va donner un exemple par rapport à ce bait, vers de poésie, qui est, par exemple, le tawhid, qui est le fruit de tout bien en cette dunya et dans l'akhira, et qui repousse tout mal, dans la dunya et dans l'akhira. Il a dit, par contre, ces choses n'ont lieu que lorsque quoi? On réunit les shurouts, et que les empêchements sont absents. أَمَّا شُرُوتُهُ فَوَا عَلَى الْقَلْبِ وَالْلِسَنِ وَالْجَوَارِحِ. Ces conditions sont basées dans le cœur, l'lisan, la langue, وَالْجَوَارِحِ, c'est-à-dire les membres, les actes des membres. أَمَّا الَّذِي عَلَى الْلِسَنِ فَوَا النُّطْقُ بِالتَّوْحِيدِ وَجَمِيعُ أَقْوَالِ الْخَيْرِ مُتَمِّمَةٌ لَهُ مُتَمِّمَاتٌ لَهُ وَأَمَّا الَّذِي عَلَى الْقَلْبِ فَهِيَ إِقْرَارُهُ وَتَصْدِيقُهُ وَمَحَبَّتُهُ لِلتَّوْحِيدِ وَأَهْلِهِ وبغضه للشرك وأهله ومعرفة القلب لمعناها ويقينه به. وأما الذي على الجوارح فهو انقياده للعمل بالتوحيد وأعماله الظاهرة والباطنة، هذه شروطه. أما موانعه ومفسداته فهي ضد هذه الشروط وضد بعضها، وجماع الموانع أنها إما شرك وإما بدعة وإما معصية. وكل دي شروط التوحيد sont dans le cœur, comme ce qui est d'être, de reconnaître le tawhid, de le reconnaître, d'y croire, de l'affirmer, d'aimer le tawhid, d'aimer les gens du tawhid, de détester le shirk, de détester les gens du shirk, et que le cœur ait compris le sens de ces choses-là, et qu'il en ait la yaqin, la certitude. Le dil-lisan, c'est le fait de prononcer le tawhid. Kalimat al-Tawhid. Et toutes les paroles de khayr qui sont liées au Tawhid sont en complément du Tawhid. C'est-à-dire les paroles de khayr qui sont les paroles qui sont mathalan obligatoires de dire, toutes les choses que la religion t'incite à prononcer avec ta langue. Et les jawarih, c'est le fait justement de se laisser mener par cette tawhid par les œuvres, qu'elles soient apparentes ou cachées. Voici les shurut. Et quant aux mawani, aux empêchements, et ce qui peut mener à corrompre ou à suivre cette tawhid, c'est son opposé, c'est-à-dire soit opposer les shurut, ou soit l'opposé de certaines de ces shurut. Et l'ensemble de ces mawani est réuni en trois points qui sont en premier lieu le plus grand, c'est le shirk, lui s'oppose au tawhid bil kulliya. Et après elle a dit soit la bid'ah ou soit la marsiya, le péché. Lui s'oppose au tawhid de façon partielle. Il réduit le tawhid. Wa hadha wa kadhalik muta'alliqun bil iman. C'est lié à la foi. Celle-ci elle monte par les obéissances et elle descend par l'accomplissement des obéissances, des ma'asi et des zunub wa ghayr dhalika. Délaissant des wajibat. Donc là, le shir vient bien expliquer qu'il ne faut pas comprendre ces ahadiths de façon frivole et les prendre dans leur apparent et ne pas méditer les sens qui sont déduits des autres ahadiths qui les expliquent. Car la sunna ne se contredit pas, ni le Qur'an avant cela ne se contredit pas, ni la sunna, et se complètent les uns les autres. Donc tu ne peux pas prendre un hadith et délaisser les autres qui sont à côté qui expliquent ce hadith. Adama yajouz. Taïr. Maintenant, on va entrer dans le nouveau bed. Abed. Fa'alif. Wahua. Babun. Man hattaqa tawhida dakhala al-jannata bi ghayri hisab. Que celui qui réalise, ou dit concrétise le tawhid, entrera au Jannah sans rendre de compte. Donc ça, c'est lié au bed précédent, qui est une fad tawhid. Pour encore plus t'encourager, quand même, et te pousser à être des adeptes du tawhid. En premier lieu, tu as su le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, tu as su le mérite de ce tawhid qu'il efface les péchés. Et maintenant, en plus de cela, tu apprends que ce tawhid te fait rentrer au Jannah sans rendre de compte. Et ça, c'est pour qui? Des man haqqaqahu. Et le tahqiq, c'est plus grand que le fi'l. Le tahqiq, c'est une chose qui est plus large que le fi'l. Un tahqiq, il y a un ilayakun ilayabi salast umur, comme encore le shir al-Uthaymin. Le tahqiq, il a lieu avec trois choses. Al-ilm, la science, l'irtiqad, la croyance, ou l'inqiyad. C'est-à-dire, de se laisser mener derrière l'application. Car le fi'l, quelqu'un peut faire une chose, mais on n'a pas la science. Mathalan. Tahqiq, lui, il y a l'ilm. Ou mibniyun al-ilmin. Donc ça, tahqiq, la chose vraiment, tu l'as réalisée, tu l'as concrétisée, tu l'as mise en place, purement. Donc dans le mot, il dit, « Min adillat dhalika, wa qawluhu ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifa, wa lam yaku min al-mushrikin. » Que certes, Ibrahim était une umma, un imam, à lui tout seul, il était perdurant dans l'adoration et l'obéissance, et qu'il était un hanif, on va expliquer c'est quoi le hanif, de religion pure, et qu'il n'était sûrement pas du nom des mushrikins. Wa qala ta'ala, وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Et ceux qui n'associent rien à leur Seigneur. قال, وَالْحُسَيْن ibn Abdul Rahman, قال, كُنْتُ عَنْدَ سَعِيدِ ibn Jubayr, فَقَالَ أَيُّكُمْ رَعَى الْكَوْكَبَ الَّذِي نُقَضَى الْبَارِحَ. قُلْتُ أَنَا, ثُمَّ قُلْتُ أَمَّا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي الصَّلَاةِ وَلَكِنِّي رُدِعْت. قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثنا الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة ابن الحسين وحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى قال قد أحسن من انتهى لما سمع لكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه أرهد والنبي معه رجل ورجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله وخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين ليسترقون وليكتوون وليتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال بل فقال سبقك بها عكاشة انتهى مراد من الباب. Donc il dit, selon Hussein ibn Abdul Rahman, qui était un tabi'i, qu'il a dit, j'étais chez Saïd ibn Jubayr, qui était également un tabi'i. Il a dit, lequel d'entre vous a vu, on va dire, à la base, Kaukab, c'est une planète, là je pense qu'il fait allusion à sûrement un météore ou une chose dans le genre, qui est tombé, al-Ba'aliha, c'est-à-dire l'année dernière. J'ai dit, c'est-à-dire Hussein, moi, mais je n'étais pas en train de faire salat, c'est-à-dire qu'il y a même l'ail. Cependant, j'ai été piqué. Il dit, et qu'as-tu fait? Il dit, je me suis fait faire une roquia. Il dit, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Il dit un hadith que Sha'bi nous a cité. Il dit, et qu'est-ce que Sha'bi nous a cité? Il dit que Buraïda ibn Hussein, ou Hussein, nous a raconté, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, pas de ruqya, sauf du aïn, c'est-à-dire de mauvais œil, ou huma, c'est-à-dire du venin d'un animal. Je dis, plutôt, il a dit, a bien agi celui qui s'arrête à ce qu'il connaît, ce qu'il a entendu, qui se limite à ce qu'il a entendu. Cependant, Ibn Abbas nous a raconté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, les communautés ont été exposées. Et j'ai vu le prophète avec lui, le Rahd, c'est un groupe de personnes de 3 à 9 ou de 3 à 10 personnes. Et j'ai vu le prophète avec lui, un homme ou deux. Et j'ai vu le prophète seul, sans personne avec lui. Puis, une grande masse noire m'a été présentée. Et j'ai pensé qu'il s'agissait de ma umma, ma communauté. Il me fut dit, ça c'est Moussa et son peuple. Mais cependant, ou plutôt non, ça c'est une version du hadith. Donc j'ai regardé, c'est-à-dire ailleurs, et j'ai vu une autre grande masse noire, sombre. Il me fut dit, voici ta communauté, et avec eux, 70 000 qui rentreront le Jannah sans rendre le compte ni châtiment. Ensuite, il se retira, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et rentra dans sa maison. Donc, les gens se mirent à discuter à propos de cela, 70 000. Certains d'entre eux ont dit, il se peut qu'ils soient ceux qui ont accompagné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et certains ont dit, il se peut qu'ils soient ceux qui soient nés en islam, et qui n'ont rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont cité différentes choses. Puis ils sortent sur eux, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se rendit auprès d'eux, et il leur informa de qui étaient ces 10. Il dit, ils sont ceux qui ne demandent pas ce qu'on leur fasse ruqya, ni qui ne n'usent de, on va dire, de cotalisation, et ni ne font preuve de tayyira. Ça va venir, Inch'Allah, c'est mauvaise augure. Non, mauvaise augure. Ça va venir, Inch'Allah, il y a un bête qui venait par rapport à ça. Et qu'ils se reposent sur leur Seigneur. Donc, en cache, Ibn Mirsan, il s'est levé, il a dit, invoque Allah qui me fasse, qui me mette parmi eux. Il dit, je suis parmi eux. Et ensuite, un autre homme se leva, il dit, invoque Allah qui me mette parmi eux, et il dit que Rokasha, t'as dit à devancer. C'est-à-dire, dans la demande. C'est un tarjama approximatif de Dubaï. Parfois, un tarjama de, qui est improvisé comme ça, sans dire le tarjama. Donc, le français, des fois, d'après bancal, mais bon, t'as compris. Ah, Michel. Mm-hmm. Je dis souvent, je sais que mon français, des fois, il a à revoir, mais bon. C'est, alhamdoulilah, j'en ai oublié une partie et c'est pour une bonne cause. Khalas. Donc maintenant, on va expliquer cela. Qala Cheikh Ibn Baz, rahmanahu ta'ala, tahqiq al-tawhid, takhlisuhu min shawa'ib al-shirk wal-bida' wal-ma'asi. C'est le fait de purifier ce tawhid. C'est quoi ce tahqiq? C'est de purifier toute branche du shirk, des bid'ahs, des innovations et des ma'asi, des obéissances. فمن حقق توحيده وسلم من الشرك والبدع والمعاصي دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب لأن الشرك الأكبر ينافي التوحيد والأصغر ينافي كمال الواجب والبدع والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابه. Celui qui a réalisait ce tawhid et qui était épargné du shirk et des innovations ou des ma'asi, entrera au Jannah sans rendre le compte ni châtiment. Car le shirk akbar majeur, lui, s'oppose au tawhid totalement. Et le asrar, le mineur, lui, s'oppose à la perfection de ce tawhid et des obligations. Les innovations et péchés, eux, entachent, justement, et réduisent de sa récompense. Du tawhid. Qui est le verbe précédent, qui est dans son fadl, qui explique les fautes. C'est-à-dire, final, qu'au final, tu rentreras au Jannah. Mais il se peut que tu passes, comme on l'expliquait, auparavant, par un châtiment, si Allah SWT l'a décrété. Pour toi, à cause des péchés, des ma'asi que tu aurais fait. Après, bien, pour expliquer les versets. Inna Ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikeen. Donc là, Allah SWT a décrit Ibrahim, son Khalil, alayhi salatu wa salam, avec des grandes caractéristiques, qui démontrent kamal tawhidihi wa kamal imanihi, qui démontrent la perfection de son tawhid et de sa foi. Donc le premier mot, il a dit Ummah, kana ummatan. Dans le sens qu'à lui tout seul était Ummah, un imam qui appelait au khayr, tout seul, et qui endurait, qui patientait. C'est comme ça que les ulama ont expliqué le sens de Ummah ici. Et le Ummah vient de différents sens dans le Coran. Il vient avec le sens de communauté, avec le sens d'un moment du temps, il vient avec le sens de religion. Différents ma'ani de Ummah. Là, dans le sens, c'est un imam, à lui tout seul. Au moment où tous les gens sont dans le façade. Et là, ils mettent Umma à lui tout seul. Car le haq n'est pas représenté par le nombre, mais par celui qui l'applique, qui le suit. Même s'il est tout seul. C'était le cas de Ibrahim alayhi salam, qui à son époque était le seul mu'min sur terre, comme l'avait dit à sa femme. Lui et sa femme. ثم قال حنيفة الحنيف والمقبل على الله والمعرض عن ما سوى المقبل à la base الفن le حنيف c'est le مقبل على الله celui qui se consacre que à Allah qui se détourne de tout ce qui est en dehors d'Allah et c'est la religion pure التوحيد تمام pure توحيد celui sur lequel Ibrahim a été connu. Et également, c'est le fait de délaisser les péchés dans leur totalité. Kadhalik. Hada min sifat al-hanif. C'est-à-dire, il délaisse les péchés dans leur totalité. C'est-à-dire le fait de les faire volontairement. Et encore moins de persister dessus. Et après, il a confirmé wa lam yakun min al-mushrikeen. C'est-à-dire qu'il a encore plus confirmé, bien qu'à la base, ça a déjà été compris par les premiers termes employés dans le verset, mais il affirme encore plus qui n'était pas du nombre des associateurs des mouchriquins, du fait qu'il était séparé d'eux dans leur aqidah. Il n'avait pas leur aqidah ni dans sa croyance, il ne croyait pas comme eux et ni dans sa personne, il ne vivait pas avec eux. Au début il était avec eux, après il est parti quand il a vu qu'il refusait son message. فَقَالْ وَهَذَا الَّذِي يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَسْتَقِيمْ وَيُحَقِّقْ تَوْحِيدَهُ ولا يخالط المشركين ويكثر سوادهم. Il a dit ça qui revient aux musulmans, qui se tiennent droit, qu'ils concrétisent son tawhid et qu'ils ne se mélangent pas aux mushrikins ni qu'ils augmentent leur nombre. Donc cela te confirme bien que celui qui a fait un tahqiq de tawhid, déjà qu'est-ce qu'il a à faire? Il ne se mélange pas aux mushrikins. Donc ça, c'est également parmi les choses qui te montrent que la hijra est liée au tawhid. Tu ne restes pas avec les mushrikins, tu ne restes pas avec eux. Donc tu verras plein de gens te dire tawhid, tawhid, après le tawhid, ils sont dans Bled de Kouf, et ils restent là-dedans alors qu'ils peuvent partir, sans excuse de légiférer. Donc leur tawhid, déjà eux, ils l'ont entaché. Et le tahqiq, ils ne l'ont pas fait. Regarde le haq. Ma haqakou tawhid, pourquoi? Ils sont mélangés aux mouchriquins sans raison valable. Donc c'est bien d'appeler au tawhid, mais le but, c'est de le réaliser pour que tu sois crédible dans ta da'wa. Et celui qui fait kitab tawhid, ou le kutub de Aqid al-Tawhid qui reste dans le pays de Kouf, et qu'il est ajiz, un qiyam dinihi, qui ne peut pas appliquer sa religion, il n'est pas crédible dans ce qu'il fait. Il n'est pas crédible dans ce qu'il fait. On ne dit pas que ce qu'il fait ne sert à rien, Il y a toujours une maslaha, quand même, mais il n'est pas crédible dans cette da'wa. Car la plus grande da'wa, c'est celle des actes, en premier lieu. La plus convaincante et la plus influente, c'est celle des actes. Quelqu'un, sans même faire de da'wa en lui-même, faire des durous, ce genre de choses, par ses actes, peut être plus influent que bien les da'at qui montent sur le minbar, qui font des durous, qui font des muhadara, des conférences. Quand il parle, au bout d'un moment, les gens disent, mais il parle, mais je ne vois pas ce qu'il dit, c'est pas appliqué, quoi. Alors que je vois d'autres frères qui ont peut-être moins d'acquis scientifiques que eux, et pourtant je les vois, Alhamdulillah, ils appliquent. Et là, dal haq. Ba'da hadha qal. Dans la parole d'Allah où il dit, Alladhina hum bi rabbihim la yushrikun. Ceux qui n'associent rien à leur Seigneur. Qal, hadha min sifat ahli at-tawhid wal iman, annahum kanu muwahhidina lillahi mukhlisina lah, khalisina min ash-shirki. Ça, ce sont les caractéristiques, les attributs des gens du tawhid, vraiment, et de la foi. Qu'ils unifient Allah en étant sincères envers lui. Et qu'ils ont été exempts de toute forme de shirk dans leur adoration. Et qu'ils avaient peur d'Allah ce matin-là. Et ça, c'est la perfection du tawhid. Et bien évidemment, bien que, comme il dit le shirk par la suite, que Ibrahim a été pris comme exemple dans Tahqiq al-Tawhid, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a awla bidhalik, il était encore plus en droit, parce que c'est lui à la base le meilleur des anbiya des rusul. Il était afkan nas, le plus pieux des gens. Naam. Après Sita, il rentre dans on oublie ici également un âme, j'ai oublié un passage qui est Qanitan lillah, j'ai oublié de le dire ça. Qanitan lillah dans le verset. Ay muti'an lillah mustamiran ala al-khayr. Fa min ma'ani al-kunut dawam al-ta'ah wa kunutuhu kanar lillahi wahdah. Fa lam yakun ya'budu Allah ghayra. C'est-à-dire ce mot-là. Non, هذا هو المعنى. Al-kunut avec un ta. Tamam? Al-kunut il dit celui qui obéit Allah de façon continuelle sur le khayr. C'est le fait de perdurer sur l'obéissance. Et que son kunut était pour Allah seul. Et que personne d'autre que lui n'adorait Allah à ce moment-là. Il ne peut pas comprendre avec le kunut, avec un ta, qui lui, c'est el yes, c'est le désespoir. Comme a dit Allah, وَمَنْ يَكُنُوتْ مِرَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَى الظَّالُونَ. Qui donc désespère de là vis-à-vis de son Seigneur, hormis les égarés. Donc en l'état Allah, Ya ibadi, allazina asrafu ala nufusihim, la taqnutu mi rahmatillah, inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Ou mes serviteurs qui ont été, on va dire, injustes envers eux-mêmes, par le fait d'avoir commis plein de péchés, ne désespérez pas de la rahma d'Allah, que certes Allah pardonne tous les péchés. Lakin, c'est quoi les shurut? Ça, ça revient, tout cela, c'est shurut. Faut pas les oublier, c'est qu'en fait qu'on a pris là, et en dedans aussi également. Si on fait kriya, ou irtikadiya, et en dedans tout. Il fasse tous les péchés, mais pour qui? Celui qui meurt sur le tawhid, comme le prouvent d'autres hadiths. Non. Donc là, pour revenir au hadith, au afar. Dedans, on y comprend. Lorsqu'il était, yani Hussein était chez Saïd, qui lui a dit qu'il y a eu qui d'entre vous a vu ce météore al-Bariha. Souvent le Bariha c'est employé pour l'année dernière et parmi les ma'anis qui sont connus c'est quand tu dis cela après Zohr, après le Zénith. Par exemple tu dis ça le matin à propos de l'année dernière, il y en a qui disent que c'est pas valable. On dit pas al-Bariha, on dit al-Mardiya, la nuit dernière. Et quand tu es arrivé après Zohr, là tu peux dire al-Bariha. Par exemple le mardi soir, le mercredi matin tu dis pas en parlant de l'homme du mardi, Bariha, tu dis la nuit dernière, l'élat du mardi. Par contre, le mercredi après Zohr, après le Zawal, après le Zénith, tu peux dire Bariha. Il y en a qui disent non. C'est valable également le matin. Donc il dit quoi? Moi, je ne l'ai pas vu car j'y étais. Je ne faisais pas salat. C'est-à-dire qu'il a bien voulu montrer qu'il n'était pas Kemel Leil, pour pas que les gens pensent de lui que à cette heure-là, il était éveillé. Donc qu'est-ce qu'il faisait éveillé à cette heure-là? Kemel Leil. Donc par peur du Ria, purifie sa Nia, il a bien dit, moi je ne fais pas salat. Parce que les gens pourraient dire, pourquoi les TDS là, ah, ils disent salat, masha'Allah, après il fait son éloge, et après ça joue sur son ikhlas, son ibadah. Donc la bière dit, je ne faisais pas salat. J'étais éveillé, mais je ne faisais pas salat. Pourquoi elle était éveillée? Parce qu'elle a été piquée par une bête venimeuse. C'est ça, Manal Udirto. L'azara, c'est quand c'est un animal venimeux qui te pique. Ou un scorpion, ou un serpent, ou une araignée, c'est les arbres. Tous les aboites et sumum, comme on les appelle. Les animaux venimeux. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a demandé, qu'est-ce que tu fais? Il dit, et le faqa et tout, c'est-à-dire, je me suis fait faire un ruqya. Que quelqu'un me fait ruqya. Et au ruqya, on va parler dans notre bête, Inch'Allah. Il lui a demandé, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Il dit, un hadith qui nous a apporté un Sha'bi, qui également était un tabi'i, qui l'a dit, selon Bouraïda, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas de ruqya, sauf pour le ayn, c'est-à-dire un mauvais œil, ou al-huma. Al-huma, justement, c'est le venin de l'animal. Donc, il s'est basé sur quoi? Sur un dalil. Et les ulama expliquent comme là, le shir, il le dit, قولهو فما حملك على ذلك فيه السؤال عن الدليل فيما فعله وفيه حال السلف وما هم عليه من مذاكرة وطلب الدليل. Donc, par rapport à cette question, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Il dit que même les tabi'i demandaient le dalil. Quand quelqu'un faisait quelque chose, il dit pourquoi tu as fait ça là? Même qu'il n'y a pas de taqlid chez eux. Comme les gens font croire que le taqlid c'est une chose qui est la baisse. On dit même chez eux, il n'y a pas. Ils demandaient pourquoi tu fais cela. Une chose simple. Et l'autre l'expliquait pourquoi. Ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait de sa tête. Il avait un dalil avec lui, le hadith qu'on lui a apporté. Donc, en même temps, pour eux, c'est une muraja'a, une muzakara, ça s'appelle la science. Et en même temps, il se demande le dalil. Pourquoi tu as fait cela? Comme ça, si demain lui venait à le faire, il saurait pourquoi est-ce qu'il l'a fait. Donc là, le hadith, la ruqya, illa min aynin aw huma, on a dit qu'il n'y a pas de ruqya, hormis pour le mauvais œil ou le venin, une morsure venimeuse. Le hadith là n'est pas à prendre dans son zahir, car d'autres hadiths ont expliqué que tu peux faire ruqya pour autre chose que cela. Tamam? Tu peux faire pour ruqya pour autre chose que cela. Toute forme de maladie, tout mal qui te touche, le mess, mafalen, rezalika. Non. Pas de mal à le faire. Donc après cela, l'autre, tabiri, lui a dit, tu as bien agi, tu as fait en façon du dalil. Cependant, maintenant il lui a apporté quoi? Un mazid de ilm à ce qu'il a fait. Et de là, c'était le hadith d'Ibn Abbas, qu'on a lu dans le Matan. Dans lequel on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'était Layla Talisra. C'était, comme le dit le shir, qu'un Layla Talisra à la Sahih. Qu'il a vu les communautés, et parmi eux, Moussa alayhi salam et sa Ummah. Ce qui démontre quoi? Que la Umma de Moussa était très grande. Les Banu Israël étaient très nombreux. Et beaucoup ont suivi Moussa alayhi salam. Et avant cela, quand il dit, je n'ai vu le prophète, avec lui, de 3 à 10 hommes, un rocht, comme on dit, ou celui qui n'a vécu 1 ou 2 hommes avec lui, ou celui qui était seul. Ça, c'est parmi les Hujjaj, qui démontrent qu'il ne faut pas se baser sur le grand nombre. Que celui qui est le haq n'est pas forcément celui qui a le plus de suiveurs. Pas du tout. La preuve des NBA eux-mêmes se retrouvent peut-être seuls, ou avec 2 personnes, ou de 3 à 10 personnes, alors qu'ils ont été envoyés à des communautés entières. Hatta bel al-asl an al-aksariya ala al-ba'atil. La plupart des gens sont sur le ba'atil. Comme a parlé Ta'ala, wa ma kthara al-nasi wa law harasta bi mu'minin. Et que la plupart des gens, même si tu t'efforces à voir les guidés, ne sont pas croyants. Wa qala Ta'ala, wa in tuti' aksara man fil ard yudilluka an sabilillah. Si tu suis la plupart des gens qui sont sur terre, ils t'égareront de sortir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas se laisser éblouir par la kafra. Ce n'est pas une preuve. Quand même des NBA sont venus, ils n'ont pas eu de réponse de leur peuple. Par la suite, cela nous montre qu'il a vu le peuple de Moussa alayhi salam, les Banu Israël, qui était la plus grande des Ummah, après celle de Mohammed sallallahu alayhi salam, comme le hadith. Et comme on l'a expliqué également, que les muslimounes, comme a dit le hadith, inni al-juntakuna nifu al al-jannah. Nifsu ahl al-jannah. J'espère que vous serez la moitié des gens de Jannah. Fa'inna mathalakum fil umam ou fi al-shirk, kamathari al-ashar al-bayda fi thor al-aswad. Que votre exemple par rapport aux autres communautés, les gens de l'humanité entière sont comme le poil blanc sur un taureau noir. C'est-à-dire les gens de l'islam, par rapport à toute la création des hommes depuis l'aube des temps, depuis la venue de Adam alayhi salam, les musulmans ne représentent que quoi? Que un poil blanc sur un taureau noir. Ou qala al-sha'r wa sha'ratu sawda fi thawr al-ahmar. Ou un poil noir sur un taureau brun, on dit rouge, mais bon, c'est-à-dire qu'on dit très peu. Entre en jannah, man kam ba'th an-nar hum 90 li kulli 1000 99. De chaque 1000, un homme rentre au feu 999. Comme a déjà fait hadith Ibn Mas'ud muttafaqun alayh. Comme a dit Allah azza wa jalla li Adam, akhrij ba'th al-nar. Il dit sort le ba'th des gens du nar. C'est-à-dire de ta umma. Il dit qui sont ba'th al-nar? Il a dit de chaque 1000, tu sors 999. Et ceux-là, ils vont aller au feu, et un, il y a au Jannah. Donc ça montre quoi, la plupart des gens sont sur quoi? Al-Bar. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'informa pas ces sahaba qui étaient ces 70 000 qui entrent au Jannah, sans hisab ou la azab. Et les gens s'interrogeaient à leur sujet. Ils se disaient, il se peut que ce soit des sahaba qui n'ont jamais des sahaba ou des gens qui sont dans l'islam et qui n'ont rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont cité différentes choses. Ce qui prouve qu'ils ne savaient pas qui étaient ces gens-là, 70 000, s'interroger. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sorti et leur a informé. قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتهون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Qu'ils sont des gens qui ne font pas des stirqa. C'est quoi? Qui demandent aux gens de faire ruqya pour eux. Le fait de demander ruqya pour toi, aux gens, c'est une chose qui est makrouh, qui te coûte de sortir des 70 000. Car cela t'emmène à une forme de mail vers le raqi. Tu penches vers lui et tu commences à avoir une croyance que cet homme-là en lui-même, elle a un nafa. Par contre, si quelqu'un te fait ruqya de lui-même, ma fi walashi. Ou tu te fais ruqya toi-même, ma fi walashi. Mais demander à qu'on te le fasse, cela est une chose qui est makrouh. Et des fois, peut-être wajiba, comme l'a expliqué, quelqu'un qui s'est atteint un mal très dangereux, qui lui coûterait, qui le mettrait en danger lui ou autrui. Il a un mess, un djinn qui est kawi. Vous voyez, kawi jidden, un ifrit, et personne ne vient se proposer pour le soigner, le frère. Et des fois, il casse tout dans la maison, il peut tuer sa femme, tuer ses enfants, ou faire des choses très dangereuses. Ou à lui-même. Ou, il n'arrive même pas à faire salat, tellement il a des crises. Donc lui, il est en droit de demander ce que fasse le ruqya, parce que son hal, il est vraiment critique. Également, l'ayaktaoun, il ne faut pas de kei. C'est le fait de se soigner par cauterisation. C'est utiliser un fer chaud à placer sur des parties du corps qui viendraient à te baiser là, te guérir. De certains mots. C'est un mode de, un soin que je ne connais pas, je n'ai jamais vu. Je l'ai juste entendu parler. Mais il est très douloureux. Il est makrouh. Il est makrouh. Également, là, il est atayyirun. Wa tiyara, c'est la mauvaise augure. Inch'Allah, il y a un bête prof qui va venir dans le livre, où il va en parler. Tiara, c'est le fait de voir des choses, de les prendre comme des signes, comme étant des mauvais signes. Il se passe telle chose, c'est mauvais signe. Il se passe telle chose, c'est bon signe. Ça s'appelle Tiara et Tasha'um. Et ça, Inch'Allah, on va en parler. Wa qala fil akhir, qui est la kalimat jami'a de tout cela, c'est quoi le os de tout cela? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ceux qui peuvent faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. On a expliqué que dans une phrase arabe, اللغة العربية ما كان حقه التأخير إذا قدم أفيد وأفاد الحصر. Une chose qui à la base, il y a bien une fin de phrase et qu'elle est passée en début de phrase, elle a un sens de restriction. الأصل تقول يتوكلون على ربهم. Et là, il a dit وعلى ربهم يتوكلون. C'est-à-dire qu'il ne passe sa confiance que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et الذي ليس له توكل فليس بمؤمن كما قال عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. C'est en Allah que vous devez passer votre confiance si vous êtes croyant. Celui qui n'a pas de tawakkul, c'est pas un mu'min. C'est un short. إن كنتم مؤمنين. Un short, c'est une condition. والتوكل هو صدق والاعتماد بالقلب على الله والأخذ بالأسباب. c'est le fait de placer sa confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala par son cœur de façon véridique, tout en prenant les asbab. En prenant les asbab. Al-mubaha. Dans ce que tu fais. Tu te remets à Allah en premier lieu, et après tu prends les causes qui vont avec. Qui sont permises. Donc il dit le shir, par la suite, فَهَذِي صِفَاتُ سَبْعِينَ هُمُ الَّذِينَ عَدَوْا الْوَاجِبَاتِ وَتَرَكُوا الْمُحَرَّمَاتِ وَالشِّرْكِيَاتِ واعتمدوا وتوكلوا على الله وفوضوا أمورهم إليه وأخذهم بالأسباب المباحة لطلب الرزق والتجارة وأنواع الطب المباح. Donc ce sont des gens, c'est les caractéristiques de 70 000, ce sont des gens qui ont rempli leurs wajibat, qui ont délaissé les muharramat, et qui ont laissé les shirkiyat, et qui se reposent sur leur Seigneur, et qui remettent leurs affaires sur lui totalement. Et qui ont pris les causes permises pour Messalène chercher leur risque, ou dans leur tijara, ou dans les choses de la médecine, qui sont permises. Et qui ont évité tout ce qui les rapproche du feu. Donc là, le os de tout cela, c'est quoi? C'est le tawakkul. Le djem de toutes ces choses, c'est le tawakkul. Et là, il y a un hadith, avant de finir, يعني رواه الإمام أحمد والبيهقي وقد صححه وحسنه الشيخ المقبل وكذلك الإمام الألباني رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل من أمتي 70,000 على سورة القمر ليلة البدر فاستزادته فزادني ومع كل 1000 70,000 فقلت أي ربي لم يكن هؤلاء مهاجري أمتي فقال إذن أكملهم من الأعراب. Qui l'a dit صلى الله عليه وسلم pour expliquer un peu plus 70 000. Qui l'a dit? J'ai demandé à mon Seigneur عز وجل, il m'a promis qu'il allait rentrer de ma communauté 70 000 qui auraient l'apparence de la lune le soir de pleine lune, et je lui ai demandé de rajouter. Il a rajouté à chacun de 70 000, 70 000 autres. Donc chacun viendra avec 70 000. Et il a dit, je dis, si ceux-là, ô Seigneur, ne sont pas, s'ils ne sont pas les muhajiroun de ma communauté. C'est-à-dire qu'en fait, 70 000 là-bas, c'est qui? C'est les muhajiroun de sa umma. Mais ce nombre est beaucoup plus large. Donc Allah SWT a dit, je vais rajouter des bédouins parmi eux. Donc là, c'est parti du hadith par rapport au bédouin, j'ai pas vu le chaf, qu'est-ce que dire par là, mais le vol du hadith, comme l'explique le ulama, c'est que les muhajiroun rentrent dans 70 000. Al-lazina yakoulouna al-jannah bil-hisab wal-azab. Bil-hisab wal-azab. Pourquoi est-ce que le muhajir, il a basé sa hijra sur quoi? Tawakkul, qui est le wasf jamir de ce qui a été cité précédemment dans le hadith. Wa ala rabbihim yatawakkaloun. Cette hijra a besoin de tawakkul. Et un grand tawakkul. C'est une bouchra pour les muhajirin. Anna zahir halihim annahum dakhiruna fi haoula inshallah ta'ala. Que les muhajirun, ceux qui ont fait la hijra, passamment pour Allah ta'ala, rentrent dans 670 000. Ce qui prouve que hadha min tahqiq al tawhid tamaman. Ça rentre dans la concrétisation du tawhid. Naam. C'est une bouchra qui incite les gens à faire la hijra encore plus. Et qui montre que le tawhid, il est complété par cette hijra. Et que celui qui reste en pays de Kouf avec la possibilité de faire hijra, qui n'a pas d'esprit de légiférer, son tawhid, il y a un ox dedans. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, son tawhid, il est naqis. Il est naqis. Alors que dire de gens qui sont au pays d'Islam, qui se disent salafis, sunni, qui viennent du pays d'Islam au pays de Kouf, pour y vivre, prendre les papiers, pour y travailler. Et après ils disent tawhid, tawhid. Toi, c'est encore plus grave. T'as laissé le pays d'Islam, tes frères, pour aller chez tes ennemis, pour la dunya. Alors qu'on a expliqué par rapport à Ibrahim, comme après les chers, annahu la yakun ala akidatihim, n'est pas sur leur croyance, wa lam yukhalidhum, c'est pas mélangé à eux, c'est séparé d'eux. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas mélangé à eux, c'est séparé d'eux. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'alana bariyu min man, asha bina, bina, dhahrain mushrikin, la tatara narahuma. Je suis innocent de ceux qui vivent au milieu des mushrikin, que leur feu ne doit pas se voir. Donc tout cela, c'est minat tawhid. Minat tawhid. Les anbiyas ont fait la hijra. Comme le Cheikh Abu Amr, dans son livre, l'a démontré. Et maintenant, on ne dit pas que ceux qui ont fait istirqa, ou qui ont fait du kay, ghayr zalika, n'entreront pas au Jannah sans hisab ou la azab. Et ceux qui rentrent sans hisab ou la azab, par une autre voie, comme celle de la shahada, mesalem, sans martyr ou autre. Mais par ce hadith-là, dans cette promesse, ils s'en voient privés. Car leur tawakkul, on a pris un axe. Donc celui qui a une maladie ou ce genre de choses, qui ne se précipite pas à demander aux gens de le faire l'ouqiyah, tant qu'il n'y a pas lieu, qui peut l'éviter de le faire lui-même, ou que les gens se proposent à lui. Ma fi shay, ma fi mania. Mais qu'il aille voir les gens tout de suite, fais ma ruqiyah, hadha naqs fi sha'nihi. Wa hadha yamna'uhu min dukhuli fi ha'ula sabina alfa. Summa qal, par rapport à ça, par rapport à Rukasha, que j'en faisais partie. Puis cet homme qui s'est levé après, qui a demandé pareil, des ulama ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas accordé cette faveur, différentes ta'wilat. Certains ont dit que c'était un munafiq. Donc il n'a pas voulu lui accorder cela. D'autres ont dit non, c'était quelqu'un, un sahabi, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait répondu, si tu connais que tout le monde après se lève et pose la question, et que des gens qui sont pas en droit de recevoir cette réponse, la demandent. Et d'autres ont dit non, c'est quelqu'un à la base qui ne méritait pas, ou qui n'entrait pas dans 70 000, il n'a pas voulu le vexer ou le rejeter, donc il a dit cette façon de faire qui est une réponse détournée. Pour que cela ait permis que tu peux répondre à quelqu'un avec une réponse détournée sans mentir. Tu ne veux pas le vexer, tu veux une réponse détournée. Matsalen, Fulen, Yakul, il vient, il te dit, Matsalen, tafaddal ma'i, viens manger avec moi. Vous voyez, tafaddal ma'i, toi, cette personne-là, tu ne l'aimes pas trop. Tu vas manger avec lui. Tu lui dis, Mathalène, je suis occupé, j'ai un truc à faire. C'est-à-dire, je ne t'aime pas, je ne mange pas avec toi. Ou tu lui dis, quand tu as bien, j'ai déjà mangé, alhamdoulilah, j'ai ce qu'il me fallait. Mathalène. Et c'est vrai ce que tu dis. T'as dit, ou tu dis, ce plat-là, il ne me plaît pas trop. Tu vois, tu dis, eh, Shmaak, il dit, ouais, j'ai, alhamdoulilah, telle, telle chose, du full. Il dit, ouais, le full, t'as vu, moi, pas trop ça. T'es pas cuit en full. T'as pas trop envie de manger du full. À la base, c'est pas le foot ton problème, c'est lui ton problème. Il dit, j'aime pas trop le foot. Il dit pas, j'aime pas trop toi. J'aime pas trop le foot. Tu ne peux pas le vexer, tu l'évites et tu dis une réponse qu'il ne vexe pas. Même ta hala? Non. Vous comprenez ma sa'il? Le sebel? Rabbi hala kamen nadas. قال في مسائل الأولى معرفة مراتب الناس التوحيد يكون تنيب دجان التوحيد كان فوق يقو ما معنى الثانية ما معنى تحقيقه ça veut dire quoi de le réaliser le tawhid comment on le fait الثالثة ثناؤه سبحانه وتعالى على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين l'éloge d'Allah سبحانه وتعالى pour Ibrahim du fait qu'il n'était pas du nombre des مشركين الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بِسَلَامَتِهِمْ مِنَ الشِّرْكِ que Allah s'en parle à son éloge pour les meneurs parmi les awliyaïs du fait qu'ils ont été épargnés du shirk. Mais pour lui ta'ala وَالَّذِينَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد que le fait de délaisser la rukia c'est-à-dire pour te demander et le kay cela c'est parmi les choses qui amènent au tahqiq du tawhid السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. Car en vrai, l'ensemble de toutes ces caractéristiques, la base de tout cela, c'est quoi? C'est le tawakkul. C'est ça qui a voulu à ces 70 000 de rentrer au Jannah. Sans hisab ou la azab, c'est la force du tawakkul. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بالعمل. Qui est la profondeur de la science des Sahaba du fait qu'ils ont su qu'ils ne pourront pas obtenir ce statut, ce haut rang, si ce n'est par les œuvres. الثامنة حرصهم على الخير. Le souci qu'ils apportent dans le bien, à connaître le bien, à faire le bien. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. Le mérite de cette Ummah par sa quantité et par sa façon d'être. Quantité, par on explique qu'ils sont la moitié des gens du Jannah, ils sont la plus grande Ummah, istijaba, de ceux qui ont répondu. Maintenant, les gens du coup sont plus nombreux encore. Mais parmi les imams sabiqa, des gens qui sont des gens de l'imam, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la plus grande des imams. Celui qui a le plus de suiveurs, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Ashira, Fadilat Asad Moussa. Le mérite des Asad de Moussa qui sont les Banu Israël. Parmi les croyants, bien évidemment. Al-Hadi Ashar. Al-Umam alayhi sallallahu alayhi wa sallam, que les communautés lui ont exposé. Al-Fani Ashar, ou Faniata Ashar, أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. Que chaque communauté sera appelée seule, chacune seule avec son message ou son prophète. الثالثة عشر قلة من استجاب للأنبياء. Le peu de personnes qui ont répondu aux أنبياء par rapport à l'humanité entière. Les djinns et les ins. الرابعة عشر أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. Que celui dont personne n'a répondu à l'appel viendra seul. الخمسة عشر ثمرة هذا العلم وهو عدم الاحترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. Le fruit de cette science est le fait de ne pas se faire illusionner par la kathra et le fait de ne pas non plus négliger, sous-estimer la minorité. Et Cheikh Ansemin explique que cela a deux sens. Ne pas se laisser impressionner par le grand nombre des opposants, qui sont sur le faux, ils sont nombreux, ou le contraire, toi, si tu es sur la vérité, que tu as beaucoup de suiveurs, ne laisse pas impressionner par le grand nombre avec, qui est avec toi, car cela peut te nuire. Tu peux dire, Masha'Allah, moi j'ai un gros nombre avec moi. Comme on l'expliquait demain, il y a un jihad dans cette affaire, c'est une grande troupe. Hein? Comme on l'était à Allah, Iz ajabatkum kasatukum, Iz ajabatkum kasatukum, walam tournin ankum min Allah ishe'a. Walam tournin ankum min Allah ishe'a. Lorsque votre grand nombre vous a, c'est yom ihunayn, lorsque votre grand nombre vous a impressionné, cela ne vous a servi à rien devant Allah s.w.t, ce grand nombre. Vous avez quand même eu, vous avez été éprouvé, malgré le grand nombre. Donc, ni l'un ni l'autre, ni sur le haq, ni sur le batil. Ça dit cette achat, un rukhsatu fi ruqya min al-ayn wa humma, qu'il est permis de faire ruqya pour le mauvais œil et pour les morceaux venimeuses de Rézalika, ou les piqûres. Un sabi'at achat, rumt ilm salaf, li koulihi, kot ahsana man intaha ila ma samia, walakin kaza wa kaza. فَعَلِمَا أَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلْ لَا يُخَلِفُ الثَّانِ qui est 17e point, qui est la profondeur de la science des salafs, du fait qu'il est dit comme a bien agi celui qui s'arrête à ce qu'il connaît. Mais cependant, kaza wa kaza, qui rajoute, et que le premier hadith ne s'oppose pas au deuxième. Le deuxième, c'est un surplus. الثَّمِنَةَ عَشَرَ بُغْضُ السَّلَفِ عَنْ مَدْحِ الْإِنْسَانِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ que les salafs étaient loin du fait de vendre les personnes de ce qui n'était pas en eux. Contrairement à nous, à cette époque, on gonfle les gens ce qu'ils n'ont pas fait. Ou même ce qu'ils vont faire, on le gonfle. Le peu, on en fait beaucoup, alors ce n'est pas beaucoup. Et à cet achat, qu'oluhu, anta minhum, alam min nubuwa. Sa parole qu'il a dit à Okacha, tu es parmi deux, cela c'est un signe parmi les signes de la prophétie. C'est-à-dire, cela c'est une chose qui peut être connue. Adam min rim el-raim. El-rishurun, fadilat Okacha. Le mérite de Okacha. الحادية وعشرون استعمال المعارض qui est le fait d'utiliser des réponses détournées. Ne pas répondre directement. Ça, ça rend le mudara, la diplomatie. Ça, c'est une chose qui est permise. Par contre, ce qui est interdit, c'est le mudahana, le fait de faire des concessions. De délaisser les choses wajibat pour obtenir les choses des opposants. Quitte à faire leur éloge, ou de laisser les choses que Allah s.w.t. a rendu wajib. Ou al-fani'a wa ishroun fosn khuluqi, qui est son bon comportement, du fait qu'il fait des preuves de réponse qui ne blesse pas celui qui écoute et qui repose une question. Ou al-hadha wa al-lazi akhazna al-yawm, qui était tahqiq al-tawhid. Man haqqaq al-tawhid akhala al-jannah bi'ayli hisab wa al-adhab. Celui qui a fait un tahqiq al-tawhid en toi ou jannah sans hisab wa al-adhab. Fadil qad naktafi wa naqul subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.